planète rap. Grosse exclu, Skyrock, Layla, prix du démon le 2 novembre. J'suis dans le club avec mes gars, mes rambés. Et sous le charme de cette peau, j'ai semblé. J'regarde sa taille, le dégât presque incomplète. Ça y est, mon cœur a succombé. J'suis dans le club avec mes gars, mes rambés. Et sous le charme de cette peau, j'ai semblé. J'regarde sa taille, le dégât presque incomplète. Ça y est, mon cœur a succombé. Je me rapproche d'elle doucement. Ça disparaît dans la poule. King, fruit du démon le 2 novembre. Matt les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.